Le comité indien pour le souvenir du président Kim Il-sung est constitué le 27 juin au siège de l'Union des travailleurs agricoles de toute l'Inde et le comité tchèque de souvenir pour le 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung à Prague le 28 juin. Le comité pour le souvenir du président Kim Il-sung est constitué le 29 juin à la filiale du territoire maritime de la garde de la jeunesse, formation sociale de toute la Russie, relevant du parti La Russie Unie. Les comités de souvenirs ont décidé d'organiser significativement diverses cérémonies commémoratives à l'occasion de son décès.